Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. Voilà, on est toujours sur un format enregistré un peu plus tôt dans la semaine pour une émission qu'on vous diffuse le dimanche soir, avec du contenu original cependant. Et puis bah, si vous ratez le créneau du dimanche soir sur Radio Béton, vous pouvez nous retrouver le lundi en fin de journée via notre petit blog, hein, Hellbanger Radio Show Blogspot, pour écouter l'émission ou même la télécharger pour la réécouter encore un peu plus tard. Pour écouter l'émission le dimanche soir, c'est les ondes du 93.6, sinon sur le lecteur numérique sur le site de Radio Béton. Voilà, merci à toutes et tous de nous retrouver une fois de plus en ce dimanche soir. Seconde émission du mois d'avril 2021, 430e émission. Voilà, on pose le calendrier. Quelques petites nouveautés dans l'émission d'aujourd'hui, dont une grosse nouveauté en ouverture de l'émission, donc on en reparle dans une poignée de minutes. Et puis trois focus ce soir, parce que l'ami Thibaut s'est déchiré et nous sort trois belles productions. On y reviendra tout au long de l'émission. Hein. Pour rappel, le focus, c'est un nouvel exercice que l'on vous propose depuis le mois de septembre 2020, où du coup l'ami Thibaut, un nouvel intervenant dans l'émission depuis cette période-là, propose une mise en lumière, une mise en avant assez poussée, analytique presque, d'une sortie, voire même comme ce soir de trois sorties sur le mois. Voilà, on vous en parle en bien, en mal, peu importe, juste exposer pourquoi est-ce que nous, ça nous a marqué. Voilà, bienvenue donc dans l'émission, pause dans le blabla, place à la musique avec une la plus grosse sortie death metal de ce printemps 2021, une avant-première, parce que l'album ne sort que le 16 avril, toujours chez Metal Blade. Cannibal Corpse, le groupe de death metal américain Violence and Animal Legend, 15e effort studio. Alors les titres qu'on vous diffuse pour le moment, hein, je ne les ai pas écoutés, puisque ça fait un paquet d'années maintenant, depuis l'album Kill, je crois, où je m'interdis formellement d'écouter les titres diffusés en avance des albums de Cannibal Corpse. Hein. Cannibal, ça fait partie de mes groupes vraiment phares et mythiques, donc à chaque fois j'attends sagement, patiemment d'avoir l'album en entier, en version physique entre les mains, pour l'écouter en intégralité plusieurs fois. Même si on va clairement pas faire la langue de bois, hein. Les derniers albums, il m'a fallu plusieurs écoutes pour rentrer dedans et saisir le fait que bah, le groupe tout simplement vieillissait. c'est un peu cruel, mais c'est lucide de le reconnaître. Hein, le dernier très très bon album de Cannibal, pour moi, c'était Skeletal Domain. Comment dire, l'album Torture était cool, hein, toujours de très bonnes choses. L'album Red Before Black, le dernier, avec bah, toujours des petits morceaux bien tubesques, hein, Kill or Become, le titre de l'album Red Before Black, toujours un haut de mid-tempo. Enfin voilà, les albums de Cannibal sont toujours structurés de la même manière depuis 3-4 sorties. Ça reste très efficace, ça reste du grand Cannibal, mais on n'est plus trop sur la petite prise de risque qui va faire vraiment la différence d'un album à l'autre. Alors bref, c'est pas grave, c'est toujours un putain de panard pour moi d'écouter Cannibal, aussi bien les titres récents que les anciens. Voilà, trêve de blabattage et de ponçage, hein. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur le 15e album? Bah, c'est toujours bien sûr Vince Locke sur le visuel. Premier album studio avec un nouveau guitariste, à savoir monsieur Eric Rutan, qui officiellement a intégré Cannibal suite aux sales histoires autour de Pat O'Brien, de ses excès de dope, d'alcool et d'armes à feu. Voilà, Pat O'Brien était dans le groupe depuis 1997 tout de même. Donc voilà, Eric Rutan, on ressent en direct, hein, dans son riffing les influences Hate Eternal. C'est pour ça que j'en attends vraiment beaucoup. Enfin, quand je parle de son riffing, hein, c'est juste pour avoir vu des extraits live où effectivement il a un toucher vraiment très particulier. J'aime beaucoup aussi Hate Eternal, donc j'en attends un petit peu sur ce nouveau Cannibal. Voilà, j'ai parlé des récentes sorties. Là, je le découvrirai bah, du coup après vous qui écouterez cet extrait. Et puis en doublette avec Cannibal, hein, parce qu'on n'écoute pas que Cannibal Corpse ce soir. On va s'écouter un extrait de Cryptosis, extrait de leur nouvel album studio Bionic Swarm. C'est vrai que je me suis un peu emmêlé les pinceaux la semaine dernière. C'est pas la partie du split avec Vector de Cryptosis qu'on s'écoutait, même si les morceaux en question sont sur cet album. C'est vraiment l'album en lui-même. Voilà donc pour le groupe de Trash Tech qui nous vient de Hollande, Cryptosis. Cannibal Corpse, Murderous Rampage, premier extrait de Violence Unimagined, nouvelle et 15e Alpha Studio pour les monstres du death metal américain. Dans la foulée, Cryptosis avec le titre Decipher. C'est parti et bienvenue dans l'émission. The thought of bloodshed still remains. Where you live must be terminated. Doublette suivante, on s'envoie tout de suite à un extrait du nouvel album de Sarkrista. Ça nous vient d'Allemagne, on est sur du black primitif ultra violent. Sworn to Profound Heresy, c'est le nom de leur troisième effort studio. Et dans la foulée, le sieur Blaze Bailey qui sort son nouvel album studio War Within Me. On va s'écouter d'ailleurs le titre de l'album sobrement. Hein, et puis Blaze Bailey, c'est toujours fait avec classe, élégance et efficacité, ce pur heavy hard rock anglais. Et Sarkrista, juste avant Blaze Bailey, on s'écoutera le titre Conjuring the Profane Fury. C'est parti. We'll be right back. Et pour la doublette suivante, troisième doublette dans l'émission, eh bien, je vais laisser la place à l'ami Thibaut, puisqu'on va attaquer tout de suite le premier focus d'aujourd'hui. Bonsoir à tous. Pour le premier focus de la soirée, on s'intéresse au groupe Unforced. Alors, c'est un groupe qui nous vient des États-Unis, et plus particulièrement de la ville de Richmond, dans l'État de Virginie. Il s'est formé en 2016, et ils sortent là leur second album, qui a été précédé en 2019 d'un album qui s'intitule At the Walls, qui était déjà un album très très cool. Alors on retrouvera un petit peu vraiment le même état d'esprit. La nouvelle sortie révolutionne pas ce qu'ils ont fait précédemment, mais on y reviendra plus tard. En tout cas, donc ce deuxième album, il est sorti donc le 12 mars, et le groupe change de label pour l'occasion et signe chez Century Media Records. Et donc ce nouvel album, il est accompagné donc d'une pochette qui est assez sympa, qui est bien foutue. Il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de choses sur la pochette, et surtout elle est très dense, très massive, un petit peu à l'image de ce que proposait au niveau musical le groupe. Après voilà, moi je suis pas du tout fan du logo du groupe, je trouve que ça jure complètement sur la pochette. Après bon, clairement ça engage que moi dans le jugement, mais c'est vrai que bon, je vraiment pas fan de ça, je trouve que ça dénote complètement. Maintenant, concernant le contenu de l'album, alors on est comme on reste vraiment, donc comme je le disais, dans le même registre que l'album précédent, avec un thrash crossover très intense et assez crasseux, mais on a des compositions qui sont assez riches, et dans l'ensemble je trouve qu'il y a un équilibrage des sons, on a vraiment tous les instruments, on arrive à entendre bien les choses, et alors c'est peut-être la différence qu'il va y avoir justement par rapport à la sortie précédente, qui avait un son qui était un petit peu plus crasseux. Alors on gagne sur cet album-là, du coup, sur le nouveau, à avoir quelque chose qui est très audible et où on discerne vraiment tous les instruments, toutes les nuances dans la musique. On perd forcément un petit peu en ambiance de ce côté cradingue et un peu poisseux et boueux comme il y avait sur l'album précédent. Donc voilà, on reste, donc comme je disais, donc c'est ce style, c'est quelque chose qui se veut justement très intense, ça s'arrête jamais. On a très très peu de temps pour respirer. Bon, le petit bémol, c'est que comme toujours avec justement ce style un petit peu trash, crossover, ça peut tourner en rond un petit peu sur l'album. C'est vrai que bon, il fait 40 minutes. Bon, faudrait pas beaucoup plus pour qu'on commence un petit peu à s'ennuyer et à vraiment en avoir marre. Personnellement, ça fait quelques fois que j'écoute l'album et voilà, bon, je commence à avoir un petit peu ma dose dessus. Et donc, pour conclure, on va s'en écouter un morceau. Alors, j'ai choisi le morceau Beneath Me. Alors, justement, c'est un morceau qui est ultra expéditif parce qu'il fait moins de 3 minutes. Mais c'est vraiment intense et super efficace et ça correspond tout à fait à ce qu'on peut ressentir sur la globalité de l'album. Voilà, donc pour illustrer ce premier focus pour aujourd'hui, on va s'écouter le titre Beneath Me, extrait du nouvel effort de Unforced, et dans la foulée, une nouveauté avec The Stone, formation black metal, qui évoluait jusqu'en 2001 sous le nom Stone to the Flesh. Voilà, formation black metal qui nous vient de Serbie, active depuis 25 ans, hein, c'est pas des premiers venus. On est sur un black solide et agressif, sans pour autant être ultra bourrin. La plupart des textes sont chantés en serbe, ça ajoute une petite touche à leur musique. Au niveau de la prod, on est sur quelque chose de old school sans être forcément ultra crado, donc voilà, c'est audible et super coolos à s'envoyer dans les oreilles. The Stone, donc juste après l'illustration de Focus pour Enforced, The Stone, on s'écoutera le titre Pramaglina, extrait de leur nouvel effort studio Costernice. C'est parti. We'll be right back. pour la suite, c'est pas une doublette, hein, c'est le groupe de Doom, Epic Doom, qu'on a généreusement présenté la semaine dernière, Will, qui va d'ailleurs nous permettre de nous rapprocher dangereusement de l'aspect française de ce soir. L'aspect française, vous allez voir, prend pas mal de place, donc commence un petit peu plus tôt aujourd'hui. Mais avant ça, Will, avec un extrait de leur nouvel effort studio Preserved in Time, avec une sortie sur le label Cruz del Sur Music, et on va s'écouter le titre When the Shadows Takes Over You, Takes You Over, pardon, gnignign. Allez, c'est parti, Will. Et donc, on entre tout de suite dans l'aspect française. Hein. C'est parti pour à peu près 40 minutes, hein, soit un tiers de l'émission, consacrée à la scène hexagonale, la scène extrême, ou pas d'ailleurs. On entre les deux pieds devant, droit dans la mâchoire, avec tout d'abord Creeping Fear, une des toutes meilleures sorties death metal française de ce début d'année. Les mauvaises langues diront, bah, en même temps, le death français... Mais, détrompez-vous. Puisque donc ce Edgod Triumph, déjà dispo chez Dolorem Records, vient placer la barre très très haute une fois de plus pour Creeping Fear. Et dans la foulée, on continue avec les pieds collés droit dans le nez avec le hardcore de Worst Doubt, une sortie sur l'excellent label allemand Beatdown Hardware Records. Extinction, c'est le nom de leur premier effort studio, il porte très très bien son nom. On va s'écouter l'excellentissime titre Crushed. Et donc, juste avant Worst Doubt, Creeping Fear, Wearing the Skin of the Wicked. Et c'est parti pour entamer l'aspect française. Bien sûr, deviner qui dit long créneau sur l'aspect française dit immanquablement un petit focus qui s'est glissé dedans. Et je cède de nouveau le micro à l'ami Thibaut pour le second focus de l'émission d'aujourd'hui. Rebonsoir à toutes et à tous. Pour ce deuxième focus de la soirée, on s'intéresse à un groupe breton qui nous vient plus particulièrement de Quimper. Le groupe, donc, c'est Herzel, et c'est un groupe qui s'est formé en 2013. Alors, jusqu'ici, ils avaient sorti uniquement une démo en 2015, mais une démo qui était déjà très prometteuse. Personnellement, je l'ai découverte comme le groupe, là, récemment, avec la sortie du premier album. Mais oui, donc, cette première démo qui s'intitule « Unis dans la gloire », c'était déjà du très bon travail. Alors, c'était trois pistes, bon, en réalité, deux, parce que sur les trois, il y en a une qui est une intro instrumentale qui est assez courte. Mais dans l'ensemble, c'est déjà un travail qui mérite qu'on y pose les oreilles. Et donc, le 19 mars de cette année, ils viennent de sortir leur premier album, qui s'intitule Le Dernier Rempart, en signant sur le label Gates of Hell Records. En voulant me renseigner un petit peu sur le nom du groupe, donc j'ai fini par comprendre que, de ce que j'en ai compris, c'est un mot breton, c'est un verbe même breton, Herzel, qui signifie un petit peu « arrêter, faire obstacle ». Et alors forcément ça me paraît assez cohérent dans le sens où ça colle complètement avec le message qui est véhiculé par l'album. Et tout ça en adéquation également avec la pochette de l'album, alors que moi j'aime énormément. Elle est assez simple en elle-même, mais le message il est assez évocateur. On a juste une personne en armure qui se trouve juste en plein milieu d'un rempart qui est brisé. Et ouais, le choix des couleurs, vraiment le message qui est véhiculé, je trouve qu'il fonctionne super bien. Et pour compléter le tableau global du message qui est porté par l'album, on a également donc les paroles qui traite assez ouvertement de la défense du territoire breton, et tout particulièrement face aux invasions romaines. Maintenant, musicalement, donc c'est du heavy metal, un heavy metal qui est particulièrement épique, chanté en français, alors ça, je sais que ça rebutera certaines personnes. Personnellement, il y a déjà quelques années que j'ai passé le pas d'aimer ce type de chant, et vraiment, ça donne une identité très forte, et c'est devenu une de mes scènes heavy metal préférées, la scène française, et particulièrement la vieille scène française des années 80. Et Herzl s'intègre complètement là-dedans, et réussit vraiment avec brio, je trouve, le revival de cette scène-là. On retrouve pas mal de gimmicks du style, avec des chansons très épiques, très entraînantes et entêtantes. Notamment, on a quelques refrains qui sont super efficaces et qui restent vraiment en tête. Le groupe apporte également pas mal de choses. Alors, on sent dans les sonorités qu'il y a vraiment des choses qui viennent de la musique bretonne. On a notamment quelques passages de musique traditionnelle, mais même dans les compositions, on ressent des fois cette lame un petit peu de la musique bretonne, et je trouve ça vraiment chouette. C'est vraiment un album que j'ai adoré, je l'ai écouté beaucoup, beaucoup trop peut-être même. En tout cas, je vous recommande d'aller poser les oreilles dessus, de vous le procurer si vous le pouvez. En tout cas, nous, on va s'en écouter un morceau. Et pour ce soir, on va s'écouter l'album d'ouverture, Maître de l'Océan. C'est un morceau excellent, c'est personnellement mon préféré. Il y a tout ce qu'il faut dedans, et particulièrement un refrain qui vous reste en tête comme c'est pas permis. Voilà, donc pour s'illustrer cette chouette présentation de Herzl, on va s'écouter Maître de l'Océan, extrait de leur nouvel album Le Dernier Rempart, et dans la foulée, en doublette avec Herzl, un nouvel extrait de l'album Demande à la poussière, Quiétude hostile. On va s'écouter le titre Héritisme, c'est parti.